Bonjour François Morel. Bonjour. François, vous êtes en duplex de Lausanne. Exactement. Et c'est quoi le théâtre si ce n'est pas le droit de jouer ce qu'on n'est pas? Le théâtre est là pour poser des questions et aussi pour ouvrir les portes de l'imaginaire. Si par exemple demain je le décide, je peux tenter de jouer une libellule. Une petite libellule à la taille fine, muant, chassant, voltant au-dessus d'un étang. L'honnêteté, une certaine forme de sagesse m'oblige quand même à reconnaître que je ne serais pas forcément très convaincant dans ce rôle. Une grande force d'auto-persuasion me serait nécessaire, aini qu'un tutu bleu. Mais aucune une association de défense des libellules, aucune brigade anti-libellulophobe ne devrait m'interdire de chercher en moi ma part d'anisoptère. C'est quoi le théâtre si ce n'est pas le droit de s'amuser avec les codes, les règles, les conventions? C'est quoi le théâtre si on n'a plus le droit d'incarner ce qui est différent de soi? C'est quoi le théâtre si ce n'est pas le lieu privilégié pour approcher l'autre, tenter de le comprendre, parfois en l'incarnant? Le théâtre permet de jouer un salaud quand on est un brave type? Un brave type quand on est un salaud, un héros, même si on est craintif. C'est quoi le théâtre si une femme ne peut plus jouer un homme, si un homme ne peut plus jouer une femme, s'il est interdit de jouer un noir quand on est blanc, de jouer un blanc quand on est noir? Ce serait quoi le théâtre si Michel Faux n'avait plus le droit de jouer une prima donna coloratour? Dans l'avant-propos de sa pièce « Les Nègres », Jean Genet écrit « Un soir, un comédien me demanda d'écrire une pièce qui serait jouée par des noirs. Mais qu'est-ce donc un noir? Et d'abord, c'est de quelle couleur ?» Oui, c'est de quelle couleur un noir? C'est de quel sexe une femme? Quel âge ça peut avoir un vieillard, un enfant? L'acteur, quel que soit son sexe, son âge, la couleur de sa peau, n'est pas seulement là pour jouer un personnage, il doit tenter de rendre compte de l'humanité tout entière. À la Sorbonne, fin mars, Philippe Brunet devait présenter une pièce d'Eschyle. Pour personnifier les Danaïdes, la troupe devait utiliser des masques, des maquillages sombres. Le théâtre avec ses masques et ses maquillages est une très vieille affaire, bien antérieure à Tintin au Congo, aux politiques colonialistes, aux blackface, aux zoos humains, à l'exposition coloniale à Paris de 1931. Et à Yabon Banania. À la Sorbonne, fin mars, le spectacle de Philippe Bruno a été empêché par des militants de la Ligue de défense noire africaine, de la Brigade anti-négrophobie et le Conseil représentatif des associations noires. On interdit, on bloque l'entrée, pas de discussion. Le théâtre, l'université doivent rester des lieux de parole, pas d'interdiction de la parole. Il fut une époque où des étudiants pensaient qu'il était interdit d'interdire. Aujourd'hui, on pourrait au moins convenir qu'il est permis de permettre.